Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, E buonasera, eccoci, eccovi qua, ben ritrovate, ben ritrovati su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu, qui con voi con Nervature. Ormai Nervature è riniziata, nonostante la pausa nemmeno piccola che mi sono presa di un po' di settimane, ma adesso è riniziata, quindi rieccomi qua ogni lunedì alle 19. Nervature, trasmissione che parla di piante, botanica, giardinaggio, progettazione, chi più ne ha più ne metta, ma oggi è una puntata diversa. Come avete sentito già in un'altra scorsa puntata, oggi è una puntata appunto diversa in cui non parlo, anzi lascerò parlare la musica, lascerò suonare e cantare la musica, perché mi piace anche un po' variare, forse ormai l'avrete capito, sono molto appassionata anche di musica, quindi per me nelle mie trasmissioni è sempre uno zoccolo molto importante questa parte sonora, e quindi in questa puntata odierna ve la voglio trasmettere anche a voi, quindi questa puntata la considero un po' come un regalo che vi faccio, nel senso che vi mostro, anzi vi faccio sentire che cosa per me, che cosa mi trasmette un sacco di emozioni. Quindi, come già in realtà ho fatto in una scorsa puntata, vi ho selezionato una playlist di brani, i quali brani probabilmente avrete già sentito nella gran maggior parte, li avrete già sentiti in altre mie puntate precedenti. E quindi questo, insieme appunto all'altra puntata, queste due sono un po' un riassuntone dei best proprio, che per me sono, non lo so, stelle polari musicali che io seguo, perché appunto mi riempiono veramente il cuore, mi riempiono l'anima, mi riempiono il corpo, mi viene voglia di muovermi e di danzare al ritmo di questi brani. Iniziamo subito, quindi direi che ho già parlato troppo. E il primo brano che vi mando è Raoui di Suad Massi. Buon ascolto. بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيتك كل واحد منا في قلبه حكايه كل واحد منا في قلبه حكاية احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية يا روي كي ما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية J'étais dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques, à nu je me jette à l'eau. Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours. Passé, le futur, un sentier de bohémiens. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes, les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche, mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse les rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter. Avec toi, j'aimerais me lever. E quindi torno qui in voce. Avete sentito quindi Rowi di Suad Massi, poi Mama Ke di Sona Jobarte, Congo, Kolinga e ora Firefly, Michael Franti, e poi Papillon di Davy Seeker. Clouds come across the sky. I'll be your firefly. So you can see your way to me at midnight. You'll be my firefly, burning flames, incinerate a path for me. And that is why I'm not afraid. Oh, I now to see my firefly burn, baby, burn, burn, baby, burn, burn, baby, burn like sweet glow. I said, burn, baby, burn, burn, baby, burn, burn, baby, burn like sweet glow. Peut-être au bout de l'autre monde. Il n'est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. Seul le papillon qui bat de l'aile veut jouer à qui mieux pour fond l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. Seul le papillon dans la tourmente qui erre et aux abois pleure la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, et brave Jean, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants, droit tout comme nous, à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant pour retrouver le papillon qui bat de l'aile. Le joueur qui vole plus haut. Il fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici-bas nous sommes alter ego. Pour retrouver le papillon dans la tourmente qui errait tous à voix pleure la vie. Qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Dit que c'est à nous la faute et qu'il nous revient d'en payer le prix. Oui, citoyens du monde, pensez à demain. Et je dis gare à ceux qui se targuent de quelques grenelles, que le monde se couvre de ridicules ombrelles, qui font passer leur seul et petit intérêt avant celui de tout un monde couvert de plaies, qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tout ce dont est capable le genre. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit en toute unité au moyen de cette funeste théorie. Celle du papillon qui bat de l'aile veut jouer à qui le dernier mot. Faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos? Celle du papillon qui nous sommes, de nous reprendre, de faire ce qu'il convient, nous comporter enfin comme des hommes, et non des dieux qui changent l'eau en vin. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot.

che dire, spero che stiate gradendo a dovere anche voi questa playlist musicale. Allora rifaccio un sunto, quindi avete sentito Chill House di Nathalie Natiembe, Guajira di Alta Madera, quest'ultima appena conclusa, e ora invece vi rimando Chimera di Sergio Laccone e Rafiki di Zap Mama. Voglio una donna perfetta, voglio una chimera. La voglio chiara e radiosa al mattino, misteriosa, affascinante la notte, un po' l'antica, affezionata, devota, alternativa, intelligente, in carriera, sofisticata, riservata, elegante, però vistosa, popolare e sincera, con gli occhi di Teresa, Teresa, le gambe di Giovanna, Giovanna, i fianchi di Patrizia, Patrizia, le mani di Antonella, Antonella, la bocca di Simona, Simona, il viso di Marina, Marina, la pelle di Leti, la voglia di Susanna, Susanna, e me ne vado in giro, sono il corsaro nero, pallido su un'isola d'asfalto, aspetto il mio veliero, con questa pelle troppo stretta che mi brucia addosso, e forse sto stanco, oppure sto sognando, ma no, è un colpo di luna. whole. Hit the planet up with music that's beautiful. Roots carry out business as usual. This collaboration is the next movement, yo. Roots crew the regiment, Black Thought, me amo. In this thing for life, yo, and that's final. Kids, you know the title, ain't no reason to remind you how I talk hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deep, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to peep me. But check it out. Rafiki, Rafiki. Perdonen, pero Yeah. Lasciato entrare parecchio nella musica, avete quindi sentito Yo Aprendí di Danai Suarez, Migration di Tim Sohei, The Spy from Cairo, Desert Tears e questa ultima appena conclusa, To the Limit, Middle D. We'll be right back. E quindi siamo arrivate insieme alla conclusione di questa puntata musicale di questa playlist che ho preparato per voi. E le ultime canzoni ancora non vi ho presentato sono state To the Limit, Middle D and Lou for A for O e poi Velvet, Bomba e Stereo, che ancora sentite in sottofondo in questo loop infinito. Che dire, io vi auguro una buona serata, una buona continuazione, rimanete connesse al palinsesto wombattiano, continuate cucciolosamente ad ascoltarci e a seguire tutte le nostre nuove pubblicazioni di podcast e notizie. Buona serata a tutte e tutti, buonanotte, buon ascolto.